Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, sommes-nous libres de nos habits ? Une série d'Emmanuel Paul réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a le plaisir de fouiner dans la penderie de sa grand-mère et de tomber sur son chemisier de soie fétiche, couleur bronze qu'elle mettait à Noël, et de le trouver soudain très beau. Et puis il y a des rêves inaccessibles de luxe et de surmesure, et cet ami qui est chic avec trois fois rien. Et du coup cette question, où se cache la classe ? Alors pour commencer les personnages, un retoucheur, un tailleur audacieux, un homme qui ose, un jeune homme qui emballe, une documentariste un peu moqueuse, un bottier, le crayon à la main, des hommes prisonniers de leurs habits et un dandy économe. Ensuite le décor, un atelier place de la Madeleine, la campagne, un panier de basket, le cliquetis des machines à coudre, des surpiqûres, des tailles marquées, des boutonnières milanaises et une paire de cuissardes. Aujourd'hui, troisième épisode, on fait des essayages. Bienvenue. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Il n'y a que des hommes. Oui. Sommes-nous libres de nos habits ? Emmanuel Paul, Christine Robert. Ça, c'est pour apprécier le marteau et plus la longueur totale. La fabrique du beau. 2 cm par le haut. Et 1,5 cm par le bas. Okay. Ça, c'est vous qui l'avez fait ou vous faites des retouches ? Celui-là, c'est des retouches. Oui, parce qu'on travaille avec une certaine marque, grande marque, qu'on assure le service de retouche derrière. C'est votre premier métier, retoucheur aussi ? Non, j'ai toujours été tailleur. Tailleur ? Oui. Mais quand on fait la couture, donc parfois, on peut toucher de tout, que ce soit la femme ou homme, ou retouche. Mais on est pratiquement à 90% hommes. Donc là, l'entoilage, il est trop bas. Nous, on est dans le quartier des tailleurs, quartier de la mode, quartier de la Madeleine, le triangle d'or de la haute couture. Donc là, on est plutôt côté masculin, puisqu'on est chez un tailleur pour hommes. Tailleur très chic, tailleur sur mesure. Mais la particularité ici, c'est qu'on est chez un tailleur sur mesure, mais qui vient du Sénégal, qui s'est formé aussi chez les Italiens. Nous sommes chez Hassan Penn, rue Pasquier. Donc on va enlever la garniture ici, l'intérieur, pour retracer les devants, pour avoir un entoilage qui est beaucoup plus épais, un peu plus solide. Elle est léger. Oui, elle est très léger. Jusqu'en bas. Et trop bas aussi, et jusqu'en bas. Mmh. Bon, ça on va l'entoiler. Et les poches, j'ai remarqué, ils sont un peu bas. Un petit peu. Donc on va enlever les poches. Et parce que j'ai vu par rapport avec les clients son morphologie, c'est-à-dire que son tour de ventre, oui, il a déjà essayé. Et son tour de ventre, et par rapport avec les poches et son normal, il ne tombe pas comme je souhaite. C'est-à-dire comme je voulais. Voilà. Et il y a les manches aussi qui sont un peu en arrière. Ah oui. Tu vois ? Oui, il est en arrière. Il est en arrière. Donc ça fait des plis ici sur les manches. Donc ça, on va le corriger tout à l'heure. Nous, c'est ça notre force, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui fait différence par rapport à nous que les autres, que si vous rentrez ici, c'est-à-dire que maison chez Penn, on peut vous faire tout ce que vous voulez. Tout est possible avec nous. Tout. On vous dessine, on vous montre les modèles, les cols, tout ce que vous voulez, les amachures, les manches hautes, que ce soit amachure haute, amachure basse, au niveau du col et tout, on vous fait tout ce que vous voulez sur mesure. Quand un client entre chez vous, qu'est-ce que vous remarquez en premier ? Ce que je remarque, c'est la morphologie déjà du clientèle, chaque fois. Tout de suite, vous le voyez habillé ? Je vois, ouais. Je vois, il a des épaules hautes, il a des épaules basses, il a un peu de courbé, il a du ventre, comment il se tient et comment il se... Voilà. Déjà, un client qui rentre, qui commence à me demander pour costume sur mesure, je me mets 2 mètres, 3 mètres en écart et pour regarder son morphologie, son profil. Comme moi, j'ai un dos qui est un peu plus creux. Donc, tout ça... Sur la coupe, je suis obligé de m'intégrer, d'adopter à ça. Et il y en a qui ont un dos plat. Et moi, si vous voyez, si je me mets comme ça, parce que pour voir le profil, il faut que je me mette comme ça. Et là, vous remarquez que tous les défauts. Il n'y en a pas beaucoup des défauts. Hein. Merci. C'est ce que recherche déjà un client de la mesure. Il faut d'abord un vêtement qui épouse les formes de son corps, qui le met en valeur. Quelque chose qu'il va avoir du mal à trouver en confection. Après, c'est aussi la volonté de pouvoir choisir le tissu qu'il veut, d'être conseillé. Un clientèle qui rentre déjà, on le montre, on le propose déjà, qu'est-ce qu'il souhaitait de faire, la mesure ou la demi-mesure, ou voilà. Après, s'il me dit, oui, moi je veux une mesure pour mon mariage, ou je veux un truc pour une telle cérémonie ou une telle fête, donc là, on lui dit, bon, on le conseille, soit vous préférez avoir une smoking ou un tel tissu, un drapeur, ou si c'est comme ça. Un temps comme ça, il fait chaud, on le propose en moyenne ou du lin. Soit il peut faire un pantalon, ou il peut faire une costume, ou il peut faire une veste unique. Alors, c'est quoi la différence mesure et demi-mesure? Alors, la mesure, tout on le fait sur place. Et 99% le travail s'est fait à la main. Ça, c'est la mesure. Mais la demi-mesure, il y a une partie qui s'est fait ici et il y a une partie qui s'est fait à l'extérieur. Qu'est-ce que vous touchez justement dans votre main là? Alors ça, c'est une veste qui est faite sur mesure, qui est faite pratiquement à 100% à la main. Pour l'instant, on dirait surtout une partition de musique avec toutes les notes écrites. Il y a du fil jaune, il y a du fil rouge. Bon, c'est aussi parce que le tissu est rayé, donc ça crée des gammes. Mais ça dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses décrites. Oui, il y a beaucoup de couleurs et il y a beaucoup de fils. En fait, c'est des fils bâtis. Nous, quand on travaille, il y a une certaine partie, on met des fils rouges. C'est des fils bâtis, c'est des fils qu'on enlève après comme ça, facilement. Des fils rouges, fils verts. Comme là, pointe d'épaule, on a passé fil rouge. Et l'intérieur, on ne va pas passer fil rouge pour faire différence les deux fils. On va passer une fil vert pour faire des différences par rapport avec les points de couture. Donc ça, c'est une veste qui est réalisée ici. C'est fait, tout est fait à la main. C'est une veste de sur-mesure. Et c'est quel genre d'homme qui porte ça? Mais ça, c'est moi. Mais alors, vous êtes quel genre d'homme? Je l'ai fait. Mais quelqu'un simple, un homme simple, et voilà, qui parfois, que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me faire des costumes sur mesure pour moi. Les autres qui n'osent pas porter, moi, au moins, j'ose le mettre. Essayage. Ça tombe évidemment parfaitement. Là, si on voit la ligne, il est magnifique. Du devant, les manches, c'est millimétré, point en point. Voilà, que ce soit les épaules, un peu plus d'arrondi, de mettre petite feuille d'épaulette, la ouatine, pour que la veste, au niveau des amachures, qu'on est beaucoup plus à l'aise. C'est étonnant, les formes d'épaules. Les épaules, c'est presque très féminin. C'est bon, évidemment extrêmement chic, extrêmement beau, tout ce que vous voulez, ouais. Mais ça, il y a comme un léger rebondi, comme un début de manche renaissance. Des amachures comme ça, on ne le fait que pour la mesure. Mais moi, je propose à mes clients chaque fois, si vous préférez avoir des épaules un peu plus élevées, ou moins élevées, ou sans épaules, ou sans épaulettes. Et il y en a qui me disent, bon, on préfère ce qui est au milieu, c'est-à-dire entre les deux. Ils n'osent pas mettre des épaules vraiment carrées comme ça. Mais moi, je le mets. Hein. Donc, et vous voyez que c'est très joli. Avant de mettre la veste et après avoir mis la veste, ouais. Est-ce que vous êtes différent? Je suis complètement différent. Moi, je ne le mets pas. Mais quand on met une veste, une costume, cravate et tout, on est beaucoup plus chic, on est beaucoup plus classe et ça fait plus sérieux. On le sent. C'est-à-dire qu'on sent que, voilà, on sent que c'est... On a une tenue de sur-mesure qu'on porte. Mentalement, ça travaille. Mentalement, on le sent. Là, vous êtes sur une veste d'homme? Oui, c'est une veste d'homme. On a lâché les côtés. Lâcher les côtés, ça veut dire quoi, lâcher les côtés? Élargir. Ah. Ouais, élargir la veste parce qu'elle est trop serrée sur le pignon. Et encore les manches, raccourcir les manches. Ça, c'est du blazer, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ça. Simple. Deux boutons. Avec des poches plaquées. Avec des poches plaquées. Un peu sport. Voilà. Une veste sport. Là, les poches plaquées, donc ce sont des poches donc qu'on appose sur le tissu et qui ne sont pas découpées à l'intérieur. Donne un côté un peu plus sport, un peu plus décontracté à la veste. Une veste comme ça, elle est portée plutôt par quel genre d'homme ? Un blazer bleu marine, je pourrais dire qu'il est porté par tout type d'homme. La version de celle-ci avec des poches plaquées, d'un côté un peu plus jeune, un peu plus moderne. Les boutons sont bleu marine, et pas sur des boutons de blazer dorés ou argentés. Donc ça va donner un côté un peu plus décontracté. On peut porter ça avec un jean, un pantalon gris, un chino beige. C'est une veste qu'on peut porter avec quasiment tout. Un pull, une chemise, un polo. Avec ou sans cravate ? Ça dépend. J'ai des clients qui la porteraient sans cravate, juste avec un polo. D'autres qui sont plus catégoriques, qui la porteraient quand même avec peut-être une cravate en tricot, une cravate un petit peu moins sérieuse. Mais voilà, ça dépendra vraiment du client. Allô, 415 ? Thank you. Ça doit être ça parce qu'on regardait un panier de basket. Bonjour. Ça bosse ? Ouais, ça bosse. Vous êtes dans le rush en ce moment. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, enchanté. Donc, on est dans le rush en ce moment et on met toute la main à la pâte. Et ça va, ça avance, on voit les cartons qui diminuent. On doit préparer des t-shirts en fait, mettre ça sous cello. Et avec un code barre aussi pour reconnaître, on a beaucoup de modèles, donc pour se repérer un petit peu. Hop, du coup je les range. Donc là on est avec Oscar, mon associé depuis le début, qui était au collège avec moi. Notre troisième associé il est pas là, il est sur un salon à Florence en ce moment. Là il y a Julien du coup qui est le chef atelier, qui est aussi un ami d'enfance. Et il y a mon frère Adrien qui nous donne des coups de main pour les moments de rush comme ça, comme actuellement. On a vraiment à cœur de... Là c'est que le début, vous voyez c'est encore en chantier, de monumentaliser un peu l'endroit en fait. Par exemple on veut mettre le panier de basket, c'est un peu notre... un symbole un peu du fait que on fait ce qu'on veut ici, c'est chez nous. Et du coup, moins d'un mois qu'on est là à Ranville. Et c'est pas un choix au hasard, on voulait un endroit un petit peu, c'est pas méchant pour les habitants de Ranville, mais un peu coupé du monde. On travaille à Paris aussi, moi je suis de Paris, tout comme Paul, Oscar est venu, moi je vais revenir à Caen peut-être, enfin on est tout le temps entre les deux. C'est pour ça qu'il y a marqué Paris-Caen sur nos t-shirts. Et ici on est dans notre bulle un petit peu, on est tranquille, il y a un champ à côté. Et d'ici, il y a des colis qui partent pour le Japon, pour la France, pour Paris, pour le sud de la France, pour le nord de la France, enfin, pour partout. Et c'est un peu le vaisseau mère dans lequel tout se passe, quoi. Et voilà, c'est rangé, comme Mary Poppins. Aubert, vous êtes un représentant du sportswear ? Plutôt du streetwear, si on voulait donner un terme. Mais le streetwear est... vient du sportswear dans le sens où il y a beaucoup de matières qui ressemblent au sportswear, le coton, des habits plutôt faciles à porter, qui sont assez agréables à porter, et aussi beaucoup de couleurs, des marques mises en avant, comme dans le sportswear. C'est des courants de mode qui sont vraiment très proches, on va dire. Vous êtes exploité par votre frère ? C'est ça. Pour plier des t-shirts toute la journée. Ça va. Et c'est quoi ce boulot là ? C'est pas bien fait là ? Je me suis précipité. On fait ça mieux d'habitude. Je vois bien, il y a une machine à plier les t-shirts. Ouais, c'est ça, c'est obligatoire. Parce qu'il faut que ça rentre dans des petits carrés, des petits cellos en plastique. Et si on le fait à la main, on n'a pas fini. Donc là, voilà, on a d'autres créations. C'était une collection qui s'appelait Hommage. L'idée, c'était de rendre hommage une pièce, un vêtement, égale un CD, un clip, un film, une poésie. Donc là, c'est Heartless, en référence à Kanye West et son morceau Heartless. Donc avec un petit cœur cassé au niveau du cœur. Sur les manches, on a une broderie qu'on appelle bouclette, qui donne en fait du relief et une vraie valeur ajoutée au sweatshirt. Il se marquait Heart sur la manche droite et Less sur la manche gauche. Et on a du coup le petit badge... c'est notre crocodile Lacoste à nous, mais avec Arthur Rimbaud en bas à gauche, en fait, qui marque notre signature. Il n'a pas d'ayant droit, Arthur Rimbaud ? Bah, on ne sait pas, mais ça nous... pense qu'on est un peu héritier aussi de la culture du rap qui sample beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'on se pose plus la question d'un truc cool que d'un truc possible juridiquement. Donc, peut-être qu'un jour, on recevra un courrier peu plaisant. S'il nous entend. On n'a pas dit ce que c'était 415, 421 en voix, mais 415. Alors 415 en fait c'est une longue histoire, on a créé la marque il y a quelques années, en fait on avait discuté avec Aubert et Paul tout au long de la soirée de lancer une marque de vêtements, on cherchait un projet à faire tous les trois, on a discuté ça tout au long de la soirée et en rentrant chez nous on s'est dit mais en fait on n'a pas trouvé de nom de marque, on n'y a pas pensé et on a regardé le réveil, il était 4h15 et c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler la marque 415. Depuis le début, nos clients, c'est nos amis ou des gens qui sont comme nos amis. Bon, ça grandit au fur et à mesure, mais c'est des gens qui font des études supérieures ou pas. Mais c'est plutôt des hommes, on va dire, à 75%. Et des gens qui aiment bien avoir, je pourrais pas dire provoque, mais des choses qui sont un peu originales, afficher des choses originales, qui aiment manier des références culturelles de façon sous un angle nouveau, en fait. Donc, par exemple, Arthur Rimbaud, c'était une phrase de Kanye West, Runaway as fast as you can, comme il est. Comment Runaway as fast as you can, comme il avait fui la bourgeoisie, le monde de la poésie. Donc, c'est une chanson de Kanye West. Baudelaire, c'était Smoke Weed Every Day. Donc, c'est The Next Episode, Dr. Dre, Ned Dogg et Snoop Dogg. Nous, à la base, on ne le conçoit pas comme produit, on le conçoit comme le terrain de jeu qui va nous faire rire, en fait, l'humour, le décalage. Cela, c'est les premiers t-shirts qu'on a vendus chez Colette. On a commencé à travailler avec eux au bout de 2 mois, je crois, on a commencé la marque, ça nous a bien aidé. Par exemple, on a eu Jacques Chirac avec marqué Thug Life. Thug Life, donc c'est vite voyou, c'est un tatouage célèbre dans le rap américain. Et ce qui était marrant et ce qu'on a aimé dans ce t-shirt, c'est que chacun le prenait à sa sauce. Il y en a qui étaient un peu nostalgiques de Jacques Chirac. Et qui disait ouais, il a un beau sourire sur la photo, c'est marrant. Il y en a qui disaient c'est un thug, c'est un voyou, puisqu'il a des affaires aux fesses. Et personne n'est obligé de rien, chacun le prend comme il veut, et c'est tant mieux comme ça. C'est ça la liberté ? Ouais, voilà, c'est ça la liberté. Nous, on est libres et on veut que nos clients ils le soient aussi. Après, on revendique pas de faire une révolution, mais au moins on est sincère. En ayant ce lieu, le super atelier, depuis un mois seulement maintenant, on peut l'être encore plus. Un tour, on est totalement indépendant, on n'a plus besoin de personne maintenant. Et on peut se mettre en short de basket. Tout le monde est en basket dans l'entreprise ? Ouais, tout le monde est en basket tout le temps. S'il y a notre banquier qui est venu manger avec nous ce midi, il n'était pas en basket. Et il avait l'air d'avoir chaud dans son costume. Je crois qu'il nous envie un peu avec les shorts de basket. Mais on est tout le temps en basket, pour travailler c'est le mieux. Et puis même c'est ce qu'on porte au quotidien. Moi personnellement, ça fait très très longtemps que j'ai pas mis de chaussures de ville. Allez-y. C'est ici l'atelier ? Tout à fait. Voilà, vous êtes donc devant l'atelier et le shoes room du bottier du château. Donc bienvenue. Entrez. Donc ici le shoes room, où effectivement c'est là où tout commence. Puisque quelques modèles sont exposés. Et bien sûr, contrairement à un magasin de chaussures, où vous achetez ce qu'il y a. Chez moi, vous pouvez acheter éventuellement ce qu'il y a, ou du moins ça va vous inspirer, mais vous surtout pouvez acheter ce qu'il n'y a pas. Donc, nous asseyons autour de cette table et nous discutons. Je fais parler les gens sur leur mode de vie, sur ce qu'ils attendent de moi. J'ai un œil aussi sur leur façon de s'habiller, leur style, leur besoin. Et à travers cette discussion, bien, comme à l'école, ce que je faisais, c'est que je dessine en écoutant les gens. Alors, voilà ce que ça donne. Vous avez cahiers, en fait. C'est ça, mes cahiers, comme à l'école. Oh, il y a des portraits, il n'y a pas que des pieds. Non, mais ça c'est... parce que je suis bon élève, alors je dessine n'importe quoi. Mais essentiellement, quand même, des souliers. Par exemple, ici, vous avez toute l'étude, notamment de cette cuissarde que vous voyez là. Donc là, vous avez un try-one. Ce qu'on appelle un try-one, c'est un pied d'essai, en fait. Hein. Mais la personne qui vient pour la cuissarde, elle vient avec l'idée de la cuissarde ou c'est en discutant que vous arrivez à l'idée de la cuissarde? Elle vient avec une idée de cuissarde. Là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui avait ce rêve de se faire faire une paire de chaussures vraiment particulière, unique. Les mesures sont prises. Au niveau de la largeur, au niveau des coups de pied, au niveau de l'entrée, il faut le transformer en 3D finalement. En termes de métier, c'est ce qu'on appelle la forme. Ce n'est pas du prêt-à-porter, chaque pied est différent, chaque forme est différente. Le bottier est en mesure de le fabriquer entièrement. On peut prendre une bûche et sortir une forme. D'ailleurs, quand les formes sont faites, ensuite on appose le nom du client dessus. On ne vient pas se faire faire des chaussures sur mesure uniquement parce qu'on a mal aux pieds. Non, tout à fait. C'est aussi parce qu'on aime les chaussures, être bien chaussé, avoir du beau, de la qualité. J'entends donc le confort, la qualité des produits utilisés. C'est une culture. C'est vrai. La culture chaussure, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose que tout le monde n'a pas. Quelqu'un à qui on aura inculqué l'entretien, le cirage de ses souliers, c'est une culture. Quelqu'un qui aura porté des baskets toute sa vie ne pourra pas comprendre ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que l'amour du beau soulier, de la belle chaussure, c'est vraiment quelque chose. Et puis, le choix aussi de se tourner vers l'artisan bottier, parce que c'est du fait main, donc chaque vraiment produit est unique. Mais il faut accepter de se confier, parce que quand vos clients viennent et qu'ils vous montrent leurs pieds, c'est extrêmement intime. On monte ses dents à vos dentistes, on monte ses pieds à son bottier, voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a plusieurs modèles qui sont exposés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter, justement, ces symboles du luxe? Où est-ce que ça se loge? Qu'est-ce que un œil... Un expert voit, qu'est-ce qu'il remarque, qu'est-ce que vous voyez en premier? Alors, on va faire sur deux cas de figure. Un modèle, deux modèles un peu classiques. On va prendre ici la base. Allez, on va prendre un escarpin d'une cambrure de plus de 10 cm. Très, très épuré finalement. On remarque donc une ligne élégante. Ici, un talon qui est simplement, donc le modèle est noir, en chevre noir, d'accord, doublé blanc nacré. Et vous avez simplement donc le talon qui est recouvert d'un tissu qui fait ressortir en fait le motif, qui est donc une fleur, avec un petit patin, mais ultra léger, à l'avant, qui fait simplement un rappel, puisque comme dans la vie, comme beaucoup de choses, tout est équilibre. Ici, vous avez un équilibre dans les lignes, et dans, je dirais, l'harmonie. Enfin, c'est vraiment, on essaye d'être le plus harmonieux possible sans partir dans l'excès. Si on partait dans l'excès, si par exemple, je sais pas, je rajoutais des dorures, et ici, je regonflais le patin de 3 cm, etc. Non, on va conserver une certaine finesse, quelque chose de très discret. Vous pouvez très bien imaginer ce soulier avec un jean. C'est le soulier qui va, en fin de compte, passer partout en apportant la touche, the touche. Avec, donc, que ce soit un jean ou bien sûr, là, en l'occurrence, ce motif que vous avez ici, c'était pour faire un rappel avec un bustier. J'avais travaillé ce défilé avec Gaëtan Leguerre, qui est donc couturier normand aussi. Et là, on avait la tenue et donc de la tête aux pieds. Mais un soulier comme celui-là, comme cet escarpin, Guillaume Gillet, il vous protège ou il vous singularise? Je dirais un peu des deux, parce qu'il vous protège, non pas comme une chaussure de sécurité. Simplement, quand on est bien dans ses souliers, on a de l'allure, on a de l'assurance, forcément. On vous colle un jogging avec une pauvre paire de baskets, ou peu importe, et puis un pauvre t-shirt sorti sans allure. Enfin, si vous avez un message ou quelque chose à transmettre, n'aurait pas la même portée. Prenez un jean, par exemple, bon, qui est maintenant un élément de base de l'habillement. Effectivement, vous mettez un beau Richelieu, même le plus classique qui soit, ou bien, peu importe la couleur, mais une belle paire de souliers, c'est tout de suite, ça relève la personne. C'est marrant parce qu'à chaque fois que vous dites ça, relever la personne, avoir plus d'assises, vous changez de posture même. Vous vous redressez, vous-même comme en yoga, vous remontez la tête, vous mettez bien dans vos pieds. C'est ce sentiment-là qu'on ressent quand on enfile une paire de chaussures qui a été faite pour soi. Ah oui, oui, je pense que oui. Pour autant, vous ne faites pas les choses, il ne faut pas que ça se remarque. Il faut que ce soit discret, c'est-à-dire que c'est un beau qui ne se remarque que par quelques initiés. Il faut avoir le code. Le luxe, c'est ça. C'est le contraire, on va dire, du bling-bling. Voilà. Le luxe, c'est ça. Alors. Bon, là, je vais utiliser la machine. La machine. J'aime la machine. J'ai la canette. On travaille avec des fils de coton, il y a des fils de soie et il y a des fils de milanaise. En fait, c'est des fils de milanaise, c'est des fils qu'on fait avec pour faire des boutonnières à la main. D'accord. Ouais. Si on fait des boutonnières à la main, on le fait avec de la milanaise, avec la fil de soie. Que les boutonnières, que ce soit beaucoup plus solide et plus résistant. Donc après, sinon, on travaille avec des fils de pleine couleur, mais tout ça, c'est des fils de coton à 100% coton. En fait, je vais vous montrer. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. Je peux toucher ? Bien sûr. Ah, c'est épais quand même ça. C'est beaucoup plus épais que les autres. Comme par exemple, si vous prenez celui-là. Ah oui. C'est pas pareil. Ah non, ça, c'est très très fin ça. Et ça ? Ça c'est de la soie ? Non. Vous le cassez. Ah. Et ça, vous n'arrivez pas. C'est comme une corde de guitare. C'est comme une corde de guitare, voilà. Ça vous parle, vous ? Parce que vous êtes un petit peu musicien aussi. Un petit peu. Pas professionnel, mais bon. Bientôt, c'est la deuxième partie de votre vie. Ça ne peine de chanter dans les pas de votre père aussi. Oui. Je suis en train de coudre mes sacs de poche, bien coupé, toujours taillé, être précis, millimètre par millimètre. Voilà. Retailler encore pour que ça fasse beaucoup plus joli, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, la veste. Mais moi, je préfère toujours travailler avec des machines qui sont très anciennes parce qu'ils sont déjà beaucoup plus solides. Et ce qu'on demande du travail, je pense qu'il n'y a que des machines anciennes qu'on peut nous fournir ça. Après, ils sont pas mal aussi, hein, les nouveautés et tout. Mais moi, j'ai toujours, comme j'ai appris avec eux, donc j'ai toujours resté toujours avec des machines anciennes. Vous êtes fidèle. Oui. Et Hassan Penn, quand vous voulez vous faire beau, qu'est-ce que vous mettez ? Je mets des costumes sur mesure. Voilà. Qui ressemblent à la marque de Maison Penn. C'est-à-dire que moi, j'aime bien des vestes sport avec des poches plaquées, avec un peu dépareillées. C'est-à-dire que de mettre une veste en rouge, une veste en couleur, avec un pantalon beige, avec un pantalon jean. Voilà, c'est plutôt mon style. Assez sport ? Un peu sport. Et vous, Théophile, qu'est-ce que vous mettez quand vous voulez vous faire beau ? Ça dépend si on veut se faire beau pour aller au travail, ou pour aller dans une soirée, ou pour un dîner en famille, ou peu importe. Moi, j'ai des goûts assez classiques, pas comme vous le voyez. Bon, là, je porte quand même un peu de couleur, vu qu'il s'agit d'un petit un pantalon en lin Alors là, un peu vert, vert tilleul, la veste justement qui reprend un peu ce qu'on aime bien ici, c'est-à-dire des poches plaquées, les boutonnières à la main, deux boutonnières milanaises de revers qu'on a fait à la main. Bon, la veste est en cours de finition. Voilà. C'est la vôtre, celle-ci ? C'est la mienne, oui. Ah, c'est parce que vous faites... Ça fait plaisir. Vous faites plaisir. Oui. Cette veste, c'est une veste qui est complètement différente par rapport avec les autres. Là, si vous voyez, on a des revers très larges. Très large. Avec deux milanaises sur les deux revers. On ne voit pas partout une veste comme ça, avec des poches plaquées, avec des points perdus de 0,5 mm qui sont très marqués. Donc une surpiqûre un petit peu plus espacée que celle qu'on trouve habituellement, qui est faite au bord de la couture. Comme celle-ci. Et ça, les boutonnières, ils sont faits à la main. Si on va, c'est vraiment, c'est très joli. Ça donne envie. Avec des boutons, après, qu'on mettra en corne claire. Là, on va vous faire, je vais vous montrer. Alors, je mets. Le mannequin essaye. Oui. C'est très joli, avec une doublure l'intérieur. Mais moi, j'aime bien les couleurs. Après, bon, je ne sais pas, peut-être c'est mes d'origine. Côté africain qui sont comme ça ou pas. Mais voilà, avec une doublure blanche, celui-là, c'est très joli. Plus aéré, assez frais. Ah, c'est croisé. C'est un croisé. Veste croisée. Au niveau du taille, c'est vraiment, c'est très bien, c'est marqué. On voit la ligne. C'est très marqué. Et c'est bien cintré. Et il n'y a pas de pli. On voit les manches. Au niveau des aplombs, il n'y a pas de pli au niveau des aplombs. Et là, sur le dos, on voit avec une couture tout au milieu. Comme lui, il a une taille qui est vraiment marquée. Il a un peu de bassin et un peu de carrure. Donc, on est obligé d'adopter par rapport à son morphologie. Parce que ce qui se passe souvent, les vestes avec les bras, que des clients qui se coincent. C'est-à-dire que si on a un bras qui est beaucoup plus fort, ou si on a une... Là, on peut toujours adopter de mettre une emmanchure plus haute ou plus bas. Comme ça, là, ça permet le client... De bien tirer. Parce que d'habitude, ce qui se passe, toutes les vestes, quand on tire le bras, on a l'impression que toute la veste qui remonte. Avec, oui. Une fois que vous avez goûté à ça, oui, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est ça le piège. Mais c'est ça aussi, c'est la mesure. C'est ça. C'est ça sur mesure. Parce que tout le monde qui sont habitués à habiller, de faire sur mesure, il ne peut plus retourner en arrière d'acheter des vêtements prêts à porter ou n'importe quoi. Moi, comme je travaille dans la couture et comme je travaille tout ce qui est sur mesure, c'est pour ça que je ne mets pas de veste. Parce que moi, je dis que toutes les vestes que je mets, il faut que ce soit nickel. Et j'ai l'habitude de mettre sur mesure, donc je ne mets que du sur mesure. Donc, c'est pour ça que je me permets pas de mettre une veste qui est mal faite ou qui est mal coupée ou des épaulettes qui sont mal montées ou une crâne de col qui est très mal faite. Quand j'ai le verlet, je fais un sort. Je lâche les chiens et je sors. Avant minuit, il se passe jamais rien. Mais comme en gros à la télé tout craint, je me pose une question existentielle. Je me sape ou je reste poubelle. Est-ce que je mets mon costume jaune? Je te regarde des prix nus, je ne laverai plus. Quand je mets mon costume jaune. C'est con, tu fais comme tout le monde. Moi ça va, je connais la blonde. Où tu vas fringuer comme ça? Où tu vas fringuer comme ça? Où tu vas fringuer ouais, comme ça? Ouais, c'est ici, on trace ici. Non, il y a des carreaux, déjà. Ouais. Ouais, il y a des carreaux. Et ça, un peu de cintrage. Ouais, ça, un peu de cintrage. Non, ça, on va le partager sur les trois côtés, sur le petit côté. C'est le dos aussi, non? Non, le dos, non. Le dos, on ne touche pas. Côté. Le dos, on ne touche pas. Le dos, juste les côtés. C'est juste le côté. Et là, l'entourage. On va l'enlever, on va le refaire. La garniture. La garniture, ça va, c'est un fausse trois boutons. Ouais. Donc, là, ouais. Et les poches aussi. Les poches, ouais, on va les démonter, on va les remonter. Le pôle, non. Bon, on va le finir. Hein, parce que ce soit un peu fermé. Il est bien. Non, on peut le finir comme ça. Ouais. Alors, vous, dans votre garde-robe, il y a quoi? Vous avez combien de vestes dans votre garde-robe? J'en ai pas mal, mais d'habitude je mets jamais. Je mets que des chemises et des pantalons. Et quand je rentre le matin et quand j'ouvre, je suis comme tout le monde, comme les ouvriers. Je prends ma machine et je coupe et j'ai les ciseaux et je travaille et tout. Donc avec une veste, je suis moins à l'aise que si je mets une chemise. Ah, il y a des manches aussi, hein. Faut lâcher. Ouais. Il faut lâcher 0,5, mais c'est pas nécessaire. Hein. C'est les manches, surtout les manches. Les manches, ils sont vraiment en arrière. Là, on va par rapport à l'aplomb du manche. Mmh. C'est bon. Ouais. Et ça, je regarde. Côté droit, il y a la doublure qui tire un petit peu. Ouais, il tire. Il tire. Ouais. Donc, on va lâcher. On met le mouvement de sur celui-là. Dit quelque chose pour vous, l'idée de se fabriquer une écorce de beauté, ça commencerait par quoi? Quand je me sens beau, ça veut dire que je ferais vraiment le strict minimum, mais je pense que c'est surtout quand j'ai pas été vulgaire avec quelqu'un d'autre, c'est là que je me sens assez jolie, quoi. Et je pense que l'élégance, elle est toute là, en fait. Parfois même dans le mal-être et dans la timidité, je trouve qu'il y a aussi de l'élégance et la fabrique du beau, c'est plutôt cultiver son jardin. Hein, je pense que c'est... Une de mes amies m'a dit, en parlant de vous, Johan, que vous étiez un dandy. Un dandy, oui. Quelque part, oui, en effet, il y a certainement une volonté, hein, une recherche. C'est souvent un lien, en tout cas dans ma propre vie, un lien fort avec la pauvreté. Et quand on se retrouve souvent dans des situations difficiles et confronté à des situations difficiles, on aspire à des choses meilleures et belles et avec beaucoup d'ambition parfois. Et j'espère aussi avec un peu d'élégance. Et c'est parfois aussi souvent pour cacher justement cette pauvreté, je pense que le dandysme vient construire l'individu, je pense. C'est par envie, mais aussi, bizarrement, par nécessité. Donc il y a un peu de romantisme, mais il y a aussi un peu, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu... je suis toujours un petit peu en guerre avec la vie. Tous les matins, vous ressemblez... à la même personne? Oui, oui, ça c'est sûr. Même le dimanche, quand je vais acheter mon pain, c'est sûr que je suis toujours très bien habillé, c'est vrai. Finalement, j'ai pas beaucoup de vêtements, j'ai pas beaucoup de choses. Donc je mets... j'ai beaucoup la même chemise, par exemple. J'ai 5 chemises bleues et 5 chemises blanches. Et puis j'ai une veste bleue, une veste noire et une veste beige. Et des chaussettes et des chaussures qui vont avec. S'accrocher à quelque chose qui donne confiance, donc qui est un peu dans la répétition des choses. Je pense que ça me fait beaucoup de bien. Votre chemise, donc aujourd'hui elle est blanche? Alors cette chemise-là, c'est une chemise que je suis obligé de porter, c'est pas une de mes préférées. C'est une chemise à col qu'on appelle Oxford, donc avec des boutons sur le col, donc c'est pas une de mes préférées parce que le coton plein est très très fin. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop, en fait, ni quand c'est trop serré, ni quand c'est trop fin, parce que c'est un peu transparent, et je trouve que ça manque beaucoup de confort et d'élégance quand c'est trop serré et transparent. Mais par contre, je suis obligé de la porter parce que ça fait partie de mon costume de travail que je porte tous les jours de la semaine, entre 13h et 20h. Mais sinon, le reste, c'est mes propres vêtements. Oui, la veste, c'est une veste que j'ai fabriquée moi-même, donc c'est un blazer bleu. Et le blazer bleu comme ça avec sans épaulettes, un peu façonné à la manière des Napolitains qui ont eu le génie d'inventer ces vestes à cause de la chaleur et mais aussi à cause du confort, des vestes donc sans doublure, sans épaulettes, qui sont un peu plus près du corps, sans être serrées Et je trouve que ça, c'est vraiment le croisement entre quelque chose de ce qu'on peut appeler sport, confort et élégance, cette espèce de c'est vraiment le côté méditerranéen et le génie italien qui ressort dans je trouve c'est cette structuration de Naples par rapport aux Anglais qui sont beaucoup plus structurés et cadrés, un peu stricts et moins confortables finalement. Cette veste, donc, elle a l'air toute simple comme ça. Vous voyez, elle a des plis un peu partout parce qu'elle ressemble un peu à un jean. Je peux toucher cette veste ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est assez épais, en fait, comme tissu. 320 grammes croisé, un coton avec un peu de polyester. Alors, le polyester, donc, ça veut dire, en fait, que ce sont des bouteilles de plastique récupérées. Hein. Et le coton, lui, par contre, est ce qu'on appelle organique. Hein. Donc, ça vient d'Afrique. Bon, il n'a pas été traité, heureusement, avec des choses un peu néfastes pour la peau. Donc ça, c'est grâce à une autre industrie française qui s'appelle TDV Industries, qui fabrique des tissus en France, qui fabriquait des tissus pour les soldats des deux guerres mondiales, qui après, pendant les 30 glorieuses, se sont développés, ils ont changé, ils font maintenant des tissus entièrement pour l'industrie du vêtement de sécurité de travail. Donc en effet, c'est des tissus qui sont vraiment très très modernes maintenant et résistants et légers et qui respirent et ils sont quasi indestructibles. Johan Meunier, vous avez dit tout à l'heure que votre couleur préférée c'était le bleu. Oui. Mais pour les hommes, quelle est la palette des possibles ? J'ai un peu voyagé hein, dans ma vie, pas beaucoup, mais j'ai un petit peu voyagé. Donc j'aime beaucoup les certaines cultures où il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que ça va avec certaines peaux et couleurs de peau vraiment à merveille. Et il y a certaines palettes qui sont meilleures avec certains tons de couleurs de peau, en effet. Il y en a... C'est vrai que un beige haut pour une peau très pâle, c'est pas très beau. Par contre, pour une peau assez pâle, le bleu marine, c'est quand même mieux. La mode parisienne, elle est quand même très conservatrice et traditionnelle. Même si on est dans une capitale de la mode qui est supposée être créative, elle ne l'est pas réellement. Elle produit beaucoup de créations, mais... Est-ce qu'elle est réellement très créative ? Je pense que ça vient d'ailleurs, quoi. Les Parisiens et les Français, ils sont très bleu marine, noir, blanc et beige. Et c'est tout, quoi. Avec un peu de gris qui est quand même très difficile à porter, je trouve. Et franchement pas très intéressant. Sauf si c'est une laine, peut-être. Mais bon, bizarrement, moi j'aime bien ces couleurs qui sont très très basiques. Vous êtes adepte du bleu marine associé au noir, comme les Japonais ? Oui, je trouve qu'avec les accessoires, c'est très très bien. Peut-être quand il y a un ton de noir sur une cravate où il y a aussi du bleu et du blanc, je trouve que ça peut être très intéressant et beau. Je trouve que le blanc et le bleu marine, le noir, en effet, c'est toujours des choses qui marchent très facilement et... C'est toujours élégant, c'est très très bien. Après, si on y met un tout petit rouge peut-être aussi, ça ressort. Et là, d'un seul coup, hop, on devient dandy. Nous, en Afrique, à Dakar, en Afrique, les couleurs, on n'a pas peur. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est couleur, on ose de le porter. Et quand je suis venu en France, et c'est ça que j'ai remarqué en première, qu'ici, on ne met pas beaucoup de couleurs et par rapport à nous. Donc, quand j'ai créé cette maison Penn, moi, je disais que tout le temps, que je n'ai pas envie de faire la même chose que les autres. J'ai envie de mettre un peu de couleur, toucher un peu africaine, comme ça, de toucher un peu de tout le monde. C'est-à-dire qu'après, bon, il y a des clients, bon, moi, je dis les clients, bon, moi, je préférais que vous mélangez cette couleur, ça, avec une pochette, ça, avec... Mais bon, après, il y en a qui me disent, ah non, M. Penn, nous, on préfère être un peu plus discret, donc on y va doucement. Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que c'est quelque chose que les personnes qui viennent dans la boutique vous demandent, est-ce que le vêtement peut rendre plus libre ? Ben, moi, je trouve que oui, parce que ça peut rendre plus libre en même temps, parce que si on s'habille mal, on ne se sent pas bien. Et si on est bien habillé, on sourit, on se sent à l'aise, et là, la journée se passe bien, et là, on se sent vraiment complètement à l'aise. Mais une vêtement comme ça, c'est-à-dire qu'une costume, bon, parce que d'habitude, ceux qui travaillent dans les bureaux et tout, ils sont souvent mettre des toujours c'est les mêmes tenues, c'est-à-dire qu'un costume gris ou bleu, et ils sont obligés de le mettre par rapport au travail. Et bien, à chaque fois, je conseille mes clients des couleurs un peu plus vives et tout pour dans le travail et pour plus marqué et tout, mais chaque fois mes clients ils me disent que ben, c'est joli ce que vous nous proposez, ça nous donne envie, mais par contre on ne peut pas le mettre par rapport à notre travail. Donc il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Pour libérer les hommes. Exact. Ouais. Johan Meunier, oui. Sommes-nous libres de nos habits? On l'est de moins en moins, je trouve, malheureusement. Mais est-ce qu'on est libre réellement? Je trouve que là, en ce moment, je n'aurais pas créé cette marque de vêtements si j'avais l'impression qu'on était libre. J'ai vraiment l'impression qu'on est formaté et qu'on n'a pas beaucoup le choix. La mode se trouve aussi dans une situation un peu difficile et compliquée. On est un peu face à des situations qui s'appellent fast fashion. Pardonnez-moi d'employer le mot en anglais. Hein. Donc c'est des vêtements qui sont fabriqués par tonnes, hein, c'est plus par milliers, c'est par dizaines, voire centaines de milliers, avec des matières premières qui sont très très fragiles, et fragiles dans le sens de mauvaise qualité, hein, pas fragiles dans le sens noble. Et donc on est en train de fabriquer de la poubelle, en fait, vestimentaire. Donc on demande aux gens qui fabriquent la matière première de fabriquer de quelque chose de mauvais. Après on demande aux gens de le façonner, le fabriquer, d'une manière rapide et mauvaise qualité aussi. Après on va l'envoyer à travers tous les moyens possibles, parcourir des milliers et milliers de kilomètres pour arriver dans des magasins à des prix en effet pas très chers, mais donc c'est neuf, mais ça reste quand même de la poubelle vestimentaire qu'on va vendre à des prix abordables qui après vont être soldés rapidement, parce qu'ils ont un temps de vie qui ne cesse de diminuer dans les boutiques et aussi d'ailleurs sur internet. Et donc ils sont en train de maintenant, on en est arrivé à cette espèce de machine, cette espèce de choses qui crée maintenant des poubelles toutes les deux semaines pour nous réalimenter et habituer des gens à espèce d'acheter des choses qui sont prêtes à jeter. C'est pas du prêt à porter, quoi. C'est vraiment plutôt ça. Et donc je me suis dit, c'est quand même assez pitoyable, quoi. On est entre à Paris, entre un luxe qui lui dépense des milliards pour l'image et le marketing, et qui fait en effet, avec les quelques maisons qui existent, des choses qui sont très très belles et certes créatives et avec une qualité sûrement très très bonne, mais qui sont pour la majorité des gens difficilement accessibles, sauf peut-être en solde, je ne sais pas. Après, si on a vraiment le temps, on peut choisir des petites marques qui sont en train de se battre pour essayer d'exister, d'inventer, d'innover, de proposer quelque chose d'intéressant, que ça soit des accessoires ou des vêtements ou autre. Et après, le reste, c'est le monde de la réalité qui fait qu'on est obligé d'acheter beaucoup, beaucoup de poubelles constamment, quoi, et de maintenir en plus un monstre en vie qui, lui, n'arrête pas de grandir, de produire de plus en plus de poubelles. Donc il faut absolument, par tous les moyens, tuer ce géant cosmique qui est en train de non seulement me bouffer, mais pas de me donner beaucoup de choix, ni dans l'élégance, ni dans la durabilité, ni dans autre, qui n'a pas grand-chose à voir avec comment... avec comment j'aimerais consommer, si je me dois de consommer, mais... Oui, donc voilà, donc j'ai voulu j'ai nommé ma marque Hadès à cause de ça. Ouais, donc voilà, on a mis le t-shirt sur la machine. Donc là, on va vous imprimer un t-shirt. On a toujours des t-shirts à imprimer. Donc là, en fait, faut qu'on organise notre stock. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas longtemps qu'on est là. Donc là, on prend un t-shirt vierge, en fait. On les commande directement en Inde. Et ils arrivent vierges, on a des noirs, des blancs, des gris. Donc là, voilà le t-shirt, il est vierge, il y a simplement l'étiquette, donc avec le petit Rimbaud. Derrière, il y a marqué merci, thank you et je sais plus comment on dit en japonais. Arigato. Parce qu'on travaille pas mal avec le Japon et voilà, on voulait que ce soit un peu international, donc dans un petit cœur. Il y a marqué du coup que c'est un coton organique, enfin biologique. Et il y a d'autres labels, mais voilà, c'est des labels de commerce équitable, il me semble, bref, Fairwear Foundation et Carbon Trust Standard, qui sont des Carbon Trust, c'est dire que l'empreinte écologique du carbone est réduite de 90%, je crois, sur la confection d'un produit. Alors c'est plutôt des hommes ou c'est mixte, d'ailleurs, les collections streetwear que vous fabriquez? Bah, pour le coup, le streetwear, c'est mixte, mais c'est beaucoup les femmes qui portent le vestiaire des hommes, en fait. Donc en ce qu'on appelle boyfriend un peu, c'est-à-dire la coupe des hommes, mais un petit peu plus grand pour elles. Et c'est un peu le rock, on pouvait dire que c'était un style un peu androgyne. Et le streetwear, c'est un peu la même chose, mais un peu plus du côté masculin, je pense. Et du coup, nous, on a fait un petit peu des t-shirts coupés vraiment pour femmes. Et au final, ça n'a pas pris plus que ça. Et nous, ce qui nous plaisait, c'était plus de travailler sur le T classique du t-shirt. Et on a vu que les femmes le portaient aussi très bien, retroussaient les manches, se l'appropriaient en fait. Le T classique, c'est comme une toile blanche, c'est basique. Après, c'est ce qu'on met dessus qui est important, et comment on le porte, comment on le met avec nos autres habits, quoi. Donc là, le t-shirt est imprimé, l'encre est encore humide, donc on va passer le t-shirt à la presse à chaud, qui est pendant 30 secondes, à 180 degrés. Donc ça va sécher l'encre sur le t-shirt. Je pense que ouais, un point quand même important, c'est que on vend à pas mal de gens qui portent nos produits le week-end. Mine de rien, c'est un habit de 2 jours sur 7 peut-être. Peut-être le soir aussi, peut-être les vacances, mais c'est peut-être un uniforme du week-end, hein, en fait, on pourrait dire. Ce serait bien qu'il n'y ait plus de cette séparation semaine-week-end, ça voudrait dire qu'on aurait gagné en qualité de relation au travail. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord, je trouve qu'en plus le costume marque les hiérarchies. Nous, on va pas lutter contre ça, on fait nos trucs de notre côté. Et c'est vrai qu'on est très très très content par contre de venir comme on veut au travail. Hier j'étais torse nu à cette table pour plier les t-shirts parce qu'il faisait trop chaud, c'était trop bien. Et là on entend les autres qui font une petite pause basket. Is what you're told. It's the disco infiltrator gone cold. Oh, stupid Jew, I've been told the truth. But you don't want it. No! Sommes-nous libres de nos habits? La fabrique du beau. You run the disco infiltrator on down. Oh, stupid Jew. Oh, stupid B. And we deserve it. Avec Hassan Penn et Théophile Cormillo, Maison Penn, Paris, Aubert et Oscar, 415 à Caen, Guillaume Gillet, Bottier Normand sur mesure, et Johan Meunier, Dandy créateur. Prise de son, Thomas Robin et Yann Fressy, mixage, Olivier Dupré. Un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Christine Robert. Bear in mind, we all fall behind from time to time. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant les essayages, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 4e épisode, uniformes et vêtements de travail. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.